Connaissez-vous Enrico, domestique chez Monsieur Nico? Un serviteur très heureux, fredonnant à qui mieux. Des chansons de matelot pendant ses heures de boulot. La la la la la la la la la la la la. Quand Nico lui demandait son secret, il répondait: suis nourri, logé, blanchi, j'ai du temps, j'ai pas de soucis. Une gentille femme et des mioches, et même un peu d'argent de poche. Je suis sans peur, sans reproche, je chante même les doubles croches. Impossible, se dit Nico, il me prend pour un nigo. Cet homme n'est pas sous pression, je vais le mettre sous tension. Je dois le mettre à l'épreuve, sa vie sera plus un long fleuve. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Offrons-lui une grosse voiture qui fait des grosses factures. Faisons-le propriétaire d'une demeure avec des terres. À crédit évidemment, à crédit et sur 30 ans. T'as pas fini de payer, tu engraisses ton banquier. Enrico, ce grand couillon, prit de bonnes résolutions. Et pour financer ceci, heures supplémentaires il fit. Travaille plus, tu gagnes plus, le boss engrange 500 fois plus. Tu passes ta vie au turbin, tu vas bosser comme un chien. Voiture, maison, assuma, il bosse à Trimassua. Père ni joie et bonne humeur, sa femme a la même, voire ailleurs. Trop grognon pendant le service, il fut licencié d'office. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Domestique chez Monsieur Nico, un serviteur très heureux, fredonnant à qui mieux. Des chansons de matelot pendant ses heures de boulot. La la la la la la la la la la la la la. Connaissiez-vous Enrico? Connaissiez-vous Enrico? Connaissiez-vous Enrico? Connaissiez-vous Enrico? Connaissiez-vous Enrico?